En Corée, les efforts de l'État sont concentrés contre la sécheresse. Le comité de planification d'État, le ministère de l'Industrie électrique et autres comités, ministères et établissements centraux fournissent en priorité du carburant, l'énergie électrique, les pièces de rechange des machines agricoles et d'autres. Tous les organismes et toutes les entreprises utilisent tous les équipements, y compris pompes et moteurs, pour arroser les champs. Les provinces, villes et arrondissements prennent des mesures de réparer les ouvrages d'irrigation et d'utiliser efficacement de l'eau, trouvent des sources d'eau et adoptent des procédés culturaux qui économisent de l'eau.